Il a rangé son chandail du groupe, il a acheté son billet et il y a pensé toute la semaine. N'attendez pas de frapper un mur. Faites-vous vacciner. Le passeport vaccinal est maintenant exigé pour fréquenter certains lieux publics. Un message du gouvernement du Québec. Bonsoir, chers auditeurs et auditrices. Vous êtes à l'écoute de l'Aérospatiale, votre magazine radio sur les arts visuels et multi à Québec, sur les ondes de CKRL 89.1. Myriam Leland au micro, accompagnée de ma charmante co-animatrice Annie Charland Thibodeau. Bonsoir. Bonsoir. Donc, qu'est-ce qu'on a à l'émission ce soir, Annie? Oui, donc, en début d'émission, on reçoit Laurence Belzile, qui est en entrevue à propos de son exposition « Marmonner le vide », qui est présentée à la bibliothèque Claire Martin. Ensuite, la chroniqueuse Héloïse Foulon revient sur le film « Apparaître » de Francine Saillant et de Fanny Hénon-Lévy, qui a été présenté le 13 octobre dernier au Musée national des beaux-arts du Québec. Et pour terminer, on reçoit Philippe Gagnon, qui va nous parler du projet « La galerie qui t'offre pas 3 ans », qui a été présenté dans une Hyundai Accent 2004 en basse ville de Québec et ailleurs, entre Québec et Montréal. Oui, et on a, comme toujours, une sélection audio de Simon Roy, donc tout au long de l'émission. On va pouvoir entendre des pièces de l'album Flight of the Ancients par le groupe de Shaolin Afronauts. Donc, on se laisse déjà avec la piste Journey Through Time. Et au retour de la pause, on reçoit Laurence Belzile en studio pour parler de son exposition. Rebonsoir et bienvenue à l'aérospatiale. Toujours Myriam Leland au micro, accompagnée de ma co-animatrice Annie Charland-Thibaudeau. Et ce soir, on est accompagnée en studio de Laurence Belzile. Bonsoir, Laurence. Salut, Myriam. Merci de te prêter au jeu de l'entrevue en studio. On est bien heureuse de te recevoir. Ça fait plaisir. Donc, Laurence, on te recevait pour parler de ton exposition « Marmonner le vide ». Qui est présenté en ce moment à la bibliothèque Claire Martin sur la rue Saint-Jean depuis le 29 septembre. Exact. Et juste avant ça, c'était présenté à la bibliothèque Aliette Marchand. Donc, toi, Laurence, tu fais de la peinture abstraite. Oui, effectivement. C'est ce qu'on peut voir dans cette exposition-là. J'aimerais déjà t'entendre sur la mise en espace qui t'a été offerte dans les deux bibliothèques, parce que j'imagine que ça a fait changer un peu la manière dont tu présentes tes œuvres. Oui, tout à fait. Ben, en fait, les deux expositions sont vraiment différentes une de l'autre. La première, qui était à Aliette Marchand, était dans un espace beaucoup plus grand à cause du lieu. Puis celle à Claire Martin, et tu dois connaître un peu le lieu d'expo, mais c'est comme un petit lieu un peu cloisonné dans le fond de la bibliothèque. Donc, puis c'est aussi une ancienne église, donc évidemment. Ça a un impact sur l'exposition. Mais oui, un rapport complètement différent. Celle en ce moment à Claire Martin, je trouve que, étonnamment, les œuvres résonnent très bien avec le lieu. Je m'y attendais pas. Puis ça a été une belle surprise, vraiment. Comme on dirait, je pense que peut-être la douceur. Puis c'est quand même paisible, mes œuvres. Je pense que ça fonctionne bien dans l'environnement. Oui, vraiment. Mais je trouve que tu as un petit quelque chose de Marcel Ferron dans tes œuvres au niveau de la lumière, de la transparence. Puis c'est des œuvres qui fonctionnent très bien dans un contexte, j'allais dire sacré, mais dans un ancien lieu sacré, disons ça comme ça. Ça va avec la grandeur du lieu puis l'esprit qui règne. Ouais, j'y avais jamais pensé à cette ressemblance-là. Ouais, ben moi, c'est des œuvres que j'aime beaucoup, justement par les couleurs éclatantes, puis le jeu de transparence avec le médium, hein, puis c'est vraiment quelque chose qui m'a frappé les premières fois que j'ai vu tes œuvres. C'est vraiment ça qui m'est venu en tête. C'est vrai, particulièrement dans ces œuvres-là, en plus. Oui, c'est ça. Ouais, vraiment. Oui, puis je trouvais intéressant aussi qu'on parle de la proposition que tu avais articulée, en fait, pour Aliette Marchand, parce qu'en parcourant ton site, en fait, je suis tombée sur une image de cette exposition-là où la sensibilité, en fait, de ta mise en espace fait brillamment écho au titre de l'exposition, au titre « Marmonner le vide », parce qu'à proximité, en fait, des fenêtres longilignes de la salle qui donnent sur une verdure qui est foisonnante, t'as installé une toile verticale dont la blancheur est recoupée par un trait de pinceau qui est très délicat. C'est un fin tracé qui s'élève un peu avant de chuter dans ce qui s'apparente à un vallon, en fait. Puis dans cette mise en espace-là, c'est comme un mouvement qui a la capacité de renvoyer notre regard vers l'extérieur, vers la série de fenêtres, vers la cime des arbres voisins aussi. Puis, en fait, je trouve que c'est en adéquation avec ce que j'ai lu qui est dans ta démarche, ton désir de renouer, en fait, avec les possibilités qu'offre une conception visuelle abstraite. J'aimerais t'entendre un petit peu plus sur ta démarche puis ton rapport à l'abstraction. Oui, il y avait beaucoup d'éléments. Je vais essayer de jouer avec ça. Oui, bien, premièrement, pour la photo que tu as vue par rapport à l'exposition à Aliette Marchand, effectivement, j'aime toujours réfléchir au positionnement des œuvres dans le lieu d'exposition. Donc, effectivement, j'avais joué un peu avec ça. Sinon, sur la conception de mes œuvres, comment je joue avec l'abstraction, mais c'est vraiment différent. Ça va dépendre vraiment de chacune des œuvres. Comme, par exemple, l'œuvre à laquelle tu faisais référence, elle est très simple, très minime. J'adore jouer avec des traits très délicats, puis voir où ça peut mener. Puis surtout dans cette œuvre-là, il y a comme une espèce de mouvement qui, effectivement, a comme une espèce de petite ressemblance avec un vallon. C'est comme un... Ouais. Ouais, un semblant de paysage, mais c'est je crois que c'est quelque chose qu'on vient poser, qu'on vient décider après sur l'œuvre, parce qu'au moment, c'était vraiment plus le mouvement en tant que tel qui m'intéressait, puis la chute, puis... ou l'espèce de... le trait qui représente un mouvement, ça, c'est quelque chose de récurrent dans mon travail. Oui, j'ai l'impression que c'est ça. Si c'est une image qui est isolée à ce moment-là, oui, on est plutôt dans un trait qui est délicat, puis on est dans un mouvement. Puis à ce moment-là, je trouvais qu'il y avait une ingéniosité dans la mise en espace qui faisait qu'à ce moment-là, c'est un tracé qui gagne autre chose dans notre imaginaire, en fait, là, du rapprochement avec la verdure. Oui, effectivement, mais je trouvais que c'était effectivement pas un white cube comme on les connaît. Puis je trouvais que Oui. cette œuvre-là fonctionnait bien parce que c'est ça, ça ramenait la balle à ce qu'il y a autour. Puis c'est tellement beau comme lieu de prime Oui, abord. Donc, tout à fait. ouais, ça donnait la place au reste. Oui, puis je pense qu'en fait, ça ouvre un petit peu le terrain pour le titre, en fait, de l'exposition que je trouve qui est assez beau. Puis aussi, j'ai remarqué qu'il y avait toujours une certaine forme de poésie, en fait, ou un soulèvement de jeu visuel qui se traduit dans tes titres d'exposition. J'avais lu il y a dans cet autour parfois la trace de ce milieu ou encore arracher le rouge du jaune. Donc, j'aimerais savoir comment t'en es arrivé au titre Marmonner le vide pour tes pièces récentes. Puis, en fait, comment tu perçois la poésie de tes titres? Est-ce que c'est un prolongement de l'expérience pour le regardeur ou est-ce que c'est une façon d'insérer un corpus? Comment est-ce que ça naît pour toi? De prime abord, j'ai horreur des titres, donc c'est un peu une manière de, sans voir un titre qui est hyper structurant, puis de me laisser aller avec les mots. Puis moi, j'essaie juste de trouver un titre qui laissait aller la pensée sans essayer de dire exactement ce que je faisais, parce que je fais de l'abstraction, donc souvent... C'est difficile de mettre des mots sur le travail abstrait, c'est difficile Ouais. de parler exact avec le langage de ce qu'on fait. Donc oui, j'essaie de trouver des titres qui sont plus évocateurs, puis qu'on sait pas trop quoi en faire, en fait, parce que ça dit rien de précis. Donc, tu perpétues l'abstraction jusque dans tes titres, justement, au lieu d'essayer d'offrir une clé de lecture, t'essayes d'offrir une ouverture, si je Ouais, comprends bien. je pense que je m'entête à pas décrire. C'est une belle tenacité. Oui, puis les verbes d'action aussi qui sont quand même récurrents dans mes titres, là, ça C'est fait vrai. référence aussi à l'acte de créer. Ouais, je sais pas, j'aime ramener l'action. Puis justement, ça vient répondre un peu à cette prédominance du mouvement dans tes œuvres, parce que justement, tu représentes pas du tout des objets ou des sujets, mais souvent le sujet, c'est le mouvement que toi tu vas faire en peignant ou le mouvement que des lignes évoquent justement quand tu les fais. D'ailleurs, est-ce que ces titres-là, tu les ponds après avoir pondu tes œuvres ou c'est plutôt en symbiose avec la création? C'est plus après, une fois que je suis dans l'atelier, puis là je vois mes œuvres, puis c'est pas nécessairement par rapport aux œuvres que j'expose, même j'ai tendance à pondre une multitude de titres, puis ensuite faire, ah, ça va bien avec cette exposition-là, ça va bien avec cette œuvre-là, puis ouais. Oui, puis en fait, ces expositions-là, ben les deux versions de Marmonnier le vide, c'est né d'une collaboration avec Manif d'art. Donc, j'aimerais peut-être t'entendre pour conclure sur le contexte de ce partenariat-là. Oui, en fait, c'est un partenariat un peu obscur à la base parce que j'étais supposée y participer. Puis, étant donné le contexte, ça a été mis sur la table, puis c'est de nouveau revenu dans l'horaire des bibliothèques en partenariat avec Manif d'Or. Oui. C'est un projet que tu avais proposé à Manif? Non, même pas. On m'avait approché, puis à ce moment-là, je pouvais pas faire l'exposition parce que c'était comme en 2019, puis j'étais saturée, puis je pouvais pas. Puis finalement, ils sont revenus à la charge en 2021, puis c'est de là qu'est né le partenariat. Ben, on en est très heureuse. Merci. Donc, ben, merci beaucoup, Laurence Belzile, d'avoir été en studio avec nous pour cette entrevue. Donc, on répète les informations. C'est visible à la bibliothèque Claire Martin jusqu'au 9 novembre prochain. Nous, on se laisse pour une pause audio avec la piste Rise with the Blind. Et au retour, on écoute la première chronique de notre nouvelle chroniqueuse Héloïse Foulon sur le film Apparaître réalisé par Francine Saillant et Fanny Hénon-Lévy. aérospatiale, Myriam Leland, toujours au micro, et je suis accompagnée en studio d'Héloïse Foulon. Bonsoir, Héloïse. Bonsoir. Donc, Héloïse, c'est ta toute première chronique avec nous. On est bien excités de t'avoir. Et tu nous as préparé une chronique sur le film Apparaître, qui était à visionner au Musée national des beaux-arts du Québec le 13 octobre dernier. Puis, c'est un film de Francine Saillant et Fanny Hénon-Lévy, pardon. Et ça va être disponible, c'est disponible en ce moment sur la Fabrique culturelle, et ça va être disponible par la suite en ligne. Est-ce que je me trompe? Oui. Oui, je me trompe. Super. Alors, il y a un autre film, je vais vous en parler plus tard, qui est diffusé sur la Fabrique culturelle en ce moment. Mais le film dont il est question, il va être disponible prochainement, je n'ai pas encore les dates malheureusement, sur le site de Spira. Ah, d'accord. Voilà. Je te lance tout de suite sur ta chronique, justement. Parfait. Donc, c'est ça, le 13 octobre dernier, je suis allée voir le nouveau film de Fanny Hénon-Lévy et Francine Saillant au Musée national des beaux-arts du Québec, présenté dans le cadre du programme « L'art d'être humain ». Donc, Fanny Hénon-Lévy, c'est une artiste en art visuel dont la pratique se dirige vers le dessin, l'installation et la co-création avec la communauté. Elle dit « Ma recherche conceptuelle s'appuie sur des préoccupations d'ordre social, anthropologique, éthique. Je m'intéresse depuis toujours à la condition humaine. Comment l'individu est-il marqué par son histoire et par son territoire physique ou social ? Comment faire état de ce qui le traverse, l'habite et est généré par lui dans son unicité ? Au sein de la communauté, l'intention de Fanny Hénon-Lévy est de créer des espaces et des situations de rencontre, d'intimité et d'interaction. Francine Saillant, elle, est anthropologue, artiste et documentariste. Sa recherche en anthropologie concerne les droits humains, notamment les discriminations. Elle a dirigé plusieurs documentaires au Canada, en Europe, en Amérique du Sud et en Afrique. Ses films se situent entre le film d'art et le documentaire. Ensemble, elles ont réalisé leur nouveau film, Apparaître, l'art à visage humain, dont je vais vous parler, et aussi Créateur de liens en 2020, qui est une série de 4 vidéos à propos d'artistes de diverses origines impliqués dans le milieu de l'art et la communauté à Québec. Les artistes invités sont Georgia Volpe en art visuel, Geneviève Duong en danse, Emmanuel Dely en musique, ainsi que Chan et Senrin en art visuel. Si vous souhaitez donc visionner les vidéos, elles sont disponibles gratuitement sur le site de la Fabrique culturelle cette fois-ci. Ah voilà. J'ai trouvé donc quelques points communs entre le film que j'ai vu la semaine dernière et la série des 4 vidéos. J'ai vu un intérêt marqué pour la valorisation de l'art comme créateur de liens et aussi une volonté sincère de mettre de l'avant des personnes parfois marginalisées. Les témoignages démontrent toujours l'importance qu'il y a à s'exprimer grâce aux arts visuels quand on manque de mots. Je suis donc allée voir la première du film Apparaître il y a quelques jours. Il a aussi été diffusé à Montréal au début du mois. Le film dure 64 minutes, Alexandre Berthier est à la direction de la photographie et Myriane Rouillard est à la conception sonore. J'ai été très touchée par ce film et je sentais l'importance d'en parler et qu'il soit vu par le plus grand nombre. Le ton est donné au tout début par cette citation d'une femme qui dit « J'ai commencé un travail toute seule dans mon atelier pour essayer de me trouver. C'est devenu la grande et presque la seule motivation que j'ai trouvée pour rester en vie. » Donc, je vous remets en contexte, le film Apparaître est un film qui traite du lien entre l'art et la vie comme alternative en santé mentale. Pour ce faire, les réalisatrices se sont penchées sur les espaces qui accueillent des personnes ayant vécu ou vivant avec un trouble de santé mentale. Les images sont tournées dans plusieurs de ces espaces, notamment chez les impatients, et Paris 2 à Montréal, Pêche Sherpa et Vincent et moi à Québec. Ces lieux sont des ressources alternatives en santé mentale dont la mission est le mieux-être et l'exercice d'une pleine citoyenneté. Ils ont en commun l'offre d'activités et d'ateliers qui vise à favoriser le processus de rétablissement des personnes et aussi favoriser la mixité sociale en incluant aussi des personnes ne recevant pas de services en santé mentale. Dans ces centres, des espaces d'exposition sont disponibles ainsi que des ateliers pour rendre accessible l'expression de l'art. Avant de poursuivre, je voudrais juste vous lire le synopsis qui est le suivant. Des usagers de ressources alternatives en santé mentale communautaire expriment leur relation à l'art et à la vie. L'expérience intime de l'art, de l'atelier, de la fréquentation des artistes et de se considérer artiste change leur vie. Échange entre artistes professionnels et artistes de différentes ressources à travers le Québec sur les relations entre art et folie. Un dispositif de dessin participe participatif voyage à travers les expériences relatées. Je poursuis tout de suite pour vous parler du dispositif de dessin participatif. À plusieurs moments du film, comme un rythme, on voit des plans de personnes qui utilisent ce dispositif élaboré par Fanny Hennon-Lévy. Le projet se nomme « Trace nos visages ». Il s'agit en fait d'une structure autoportante en bois. À la hauteur du buste, on est face à une plaque transparente où est disposée de part et d'autre une feuille d'acétate. Pour ceux qui ne savent pas, l'acétate, c'est une feuille transparente semi-rigide qu'on utilise entre autres pour la rétroprojection. Les participants sont donc invités à se dessiner, l'un en face de l'autre et chacun de leur côté. En regardant l'autre, à hauteur de visage, deux portraits apparaissent, mais n'en résulte au final qu'un seul, puisque le support est transparent. Le résultat est la rencontre, par le dessin, des deux participants. À propos, Fanny Hennon-Lévy dit « Le dispositif questionne à la fois l'impossible et les possibles de la rencontre, mettant en jeu le regard réciproque porté sur l'altérité et le dessin comme trace sensible de la rencontre. » Le film est composé d'images de personnes qui travaillent dans leurs ateliers, des moments de vie, des discussions, des témoignages. Il y a plusieurs gros plans sur les visages, les mains, les peintures, les dessins. Il y a des plans rapprochés sur les visages qui regardent la caméra et de ces plans émane une certaine présence. Il y a des plans du paysage urbain et des images de moments qui relatent une expérience esthétique. C'est aussi en ça que ce film est à la fois un film d'art et un documentaire. On entend beaucoup de témoignages, souvent en voix off. J'ai trouvé que la voix off joue un rôle important dans le rythme du film. Elle est à la fois en parallèle et décalée avec les images que l'on voit. Elle apporte une couche de plus au contenu et nous apporte une compréhension du film en deux temps. Il y a le temps de l'image, lent, dans le présent et dans une certaine solitude du processus de création, et le temps actif du partage et de la communication. Certains témoignent sur l'aspect thérapeutique que peut leur apporter leur travail en atelier. Parfois, il s'agit de travail de reconstruction. Et on comprend un peu plus pourquoi l'art est important. Les témoignages qui nous sont offerts sont très sincères et vrais. Il y a cette phrase que dit un des participants à un moment dans le film « Avant de créer, j'existe, puis exister, c'est être en création ». En bref, le film apparaître fait du bien. Et donc vous pouvez le trouver bientôt sur le site, sur la plateforme Spira. Et l'adresse du site, c'est www.spira.québec. Et vous pouvez aussi vous tenir au courant et voir la bande-annonce via la page Facebook du film Apparaître, une réalisation de Francine Saillant et Fanny Hennon-Lévy. Mais merci beaucoup, Héloïse Foulon, pour cette magnifique chronique. Ça donne vraiment envie de voir ce film. Ce sont des sujets qui sont trop peu souvent mis ensemble et discutés en symbiose. Donc, je crois que ça démarre une belle conversation sociale. Oui, vraiment. Mais merci encore. On a déjà hâte de te recevoir à l'émission. Nous, on se laisse pour une pause publicitaire et au retour, on s'entretient avec Philippe Gagnon à propos de la galerie qui t'offre pas trop. On se voit au retour de la pause. CKRL 89.1. Il fut un temps où les gens disaient que si l'une de nous avait été un homme, notre mariage aurait été le plus sensé de toute l'histoire. Aujourd'hui, nous nous réjouirions d'avoir uni l'Angleterre et l'Écosse par des liens d'amour et de concorde. Les Écornifleuses présentent Marie Stuart, un face-à-face imaginé entre la reine d'Écosse et sa cousine et reine d'Angleterre, Élisabeth Ière. Venez découvrir l'histoire et le drame entourant ces deux reines, présentées d'un point de vue féministe. Au Théâtre Périscope du 14 au 30 octobre. Théâtrepériscope.qc.ca. Le Bal du Lézard, un incontournable depuis plus de 30 ans. Une ambiance sympathique, une clientèle éclectique et une programmation culturelle variée. Venez découvrir notre sélection de microbrasseries locales et québécoises à prix d'amis. En plus, le baby-foot est gratuit tous les jours. Surveillez notre page Facebook pour les événements à venir. Comme sa philosophie de vie, cette publicité s'inspire du minimalisme. Désencombrer, simplifier, libérer, respirer. Marisot, la minimaliste, est votre guide vers une vie simple, remplie de sens grâce à l'essentiel. Consultation et coaching à domicile. Programme d'accompagnement en ligne, Ma maison, mon repère. Informations et inscriptions sur marisot.ca. Le jeudi 21 octobre, au Centre Horizon, le Festival Québec en toutes lettres présente le championnat des arts littéraires mixtes. Dans l'arène, les artistes s'affronteront avec leur poésie, slam, conte sur musique improvisée. Un grand combat oratoire, un soir seulement. Une collaboration de Spoken Word Québec. Billets, québecentoutelettres.qc.ca. Bon festival! Ça prend une bonne dose de courage et de persévérance pour traverser une pandémie. Ça prend aussi une bonne dose de patience, de résilience, de confiance, d'optimisme, d'humour et d'amour. Une bonne dose de détermination, d'endurance, d'empathie, de motivation, d'ingéniosité et d'espoir. Mais surtout, ça prend une deuxième dose de vaccin. Un message du gouvernement du Québec. Ma belle amour, ce soir, je t'ai cuisiné ton repas préféré. Je te dois bien ça. Après une semaine complète à confisquer ton cellulaire, à fouiller dans tes messages, à te traiter de nom, à insulter tes amis, puis à te crier après. Mais ce soir, je t'ai cuisiné ton repas préféré. Pour recommencer cette semaine, à confisquer ton cellulaire, à fouiller dans tes messages, à te traiter de nom, à insulter tes amis. Les gars, la violence faite aux femmes, ça s'arrête là. Contactez SOS Violence Conjugale, un message du gouvernement du Québec. De retour à l'aérospatiale, votre magazine radio sur les arts visuels et multi à Québec. Myriam Leland, toujours au micro, accompagnée de ma douce co-animatrice Annie Charland-Thibaudeau. Et j'ai avec moi en studio Philippe Gagnon. Bonsoir Philippe. Bonsoir, ça va bien? Oui, toi? Oui. Donc Philippe, on s'est rencontrés lors du... Ben, j'allais dire vernissage, mais c'était pas vraiment un vernissage d'un projet qui se déroulait dans ton char, dans le cadre du projet La Galerie qui t'offre pas 3 ans. Puis j'avais envie de t'inviter avec nous à l'aérospatiale parce que c'est un projet avec lequel, grâce auquel tu réfléchis, tu lances la réflexion sur les modes de présentation alternatifs et les liens que ça peut créer. Explique-nous qu'est-ce que c'est la galerie qui t'offre pas 3 ans. Oui, ben la galerie qui t'offre pas 3 ans, c'est principalement une expérimentation sur l'idée de générer comme finalement une institution un peu alternative, mais qui est informelle. En fait, c'est une expérimentation sur l'informel. Puis c'est pour ça que finalement la plupart des expositions, comme là il y en a une dans une voiture, il va en avoir deux dans des appartements, c'est dans des lieux justement alternatifs, puis c'est dans avec des audiences aussi qui sont assez réduites, tu sais. C'est une exception en ce moment parce que je suis à radio, mais on évite comme beaucoup la communication. Ça marche beaucoup par bouche à oreille, ouais. Puis par courriel comme personnalisé ou bientôt par courrier postal. Oh. Puis c'est ça tourne beaucoup autour de l'informel, de l'intime, puis ça joue avec les limites entre le privé puis le public. Là. Mm-hmm. Mais oui, c'est ça. En gros, c'est une expérimentation autour de ces sujets-là. OK. Donc, la galerie qui t'offre pas 3 ans, est-ce que c'est ton projet à toi ou il y a des gens qui t'accompagnent dans ce projet-là? Ben, ça part, en fait, c'est financé par Première Vation. Donc, c'est un projet une espèce de projet de commissariat un peu éclaté, là. Mais dans le fond, on est plusieurs. Là. Il y a eu comme une espèce de collectif ad hoc, là, si on peut dire, une espèce de collectif fait pour le projet. Qui est composé, en fait, il y a Sévilla Pellissier qui a été co-commissaire. Dans les artistes, il y a Manouche Colarouche de Montréal, Emmanuel Duret de Montréal, Frédéric Hamelin de Québec. Dans la voiture, il y a eu Magali Héberuot, mm-hmm. de Québec. Puis il y a plusieurs auteurs aussi parce que, en fait, comme c'est prévu, le seul pan réellement public, réellement comme... communiquer puis tout, ça va être une publication web qui va être traduite en publication papier dans le coin de février. Mm-hmm. Puis finalement, c'est ça, il y a plusieurs auteurs qui sont là-dedans aussi. Suzanne Leblanc, Alexandre Saint-Onge, Julien Saint-Georges Tremblay. Il y a plusieurs personnes qui écrivent. Mm-hmm. Puis finalement, c'est ça, tout le contenu qui va avoir été généré pendant les expositions va être rassemblé dans cette publication-là. Donc, ça va être disponible au public via cette publication-là. Oui, il va y avoir une version comme gratuite, si on veut, sur Internet, on appelle ça comme l'espèce de publication web. Puis finalement, cette publication web-là va être traduite en version papier, qui va être disponible, oui. Oui, c'est ça. Pour un prix. Bien, je pose la question, en fait, parce que ton projet... c'est ça, réfléchis sur le public, le privé, justement toute cette promotion-là qui peut se faire autour des événements en art visuel. Puis, par exemple, à Québec, lorsque je suis allée justement à cette exposition, cette œuvre-là qui était dans une voiture, qui était présentée comme ça, j'avais eu, comme tu l'as mentionné, une invitation personnelle. Puis j'ai remarqué, ben c'est ça, c'était toutes des artistes ou des travailleurs culturels, pour la plupart en tout cas, qui étaient présents là. Puis je me demande justement où se situe le monde des arts visuels dans cette conception-là du public privé, parce que ça... Est-ce que tu réfléchis aussi dans ton projet à l'herméticité, fait que ça peut devenir hermétique facilement de rester dans un même monde? Oui, ben en fait, c'est le truc avec lequel j'ai eu beaucoup de misère au départ, mais j'en ai beaucoup parlé avec d'autres mondes, en fait, puis... Tu sais, je pense que faut pas oublier que l'art en soi est assez hermétique, là. Je veux dire, faut être assez initié pour, en tout cas, l'art contemporain puis l'art actuel. Mais, en fait, on s'amuse un peu avec ça. Tu sais, comme l'événement dans la voiture, ça a été un public plus élargi qu'on le pensait. Puis après ça, pour la prochaine, on réduit un peu. Après ça, on augmente. Mais je pense que, à l'interne, on voit ça comme une espèce de lieu de réflexion ou de recherche, tu sais. Puis c'est tout des... Tu sais, ça pose des questions. Puis oui, l'élitisme est très proche, là. Mais je pense que c'est ça. On voit ça comme un lieu de recherche, puis le cercle n'arrête pas de grossir. Puis tu sais, je pense qu'en fait, n'importe quelle exposition d'art, tu sais, et un public qui est particulièrement visé, puis en rejette d'autres, tu sais. Absolument. Mais ouais, c'est ça. C'est sûr que... Ouais. Oui, puis à t'entendre, en fait, on comprend que tu travailles principalement en collaboration, que tu es animé par la réflexion collective, puis je veux savoir qu'est-ce qui te motive particulièrement à travailler dans la multiplicité des regards, puis justement en collectivité comme ça. Oui. En fait, Sevilla est comme l'exemple parfait selon moi. Au départ, le projet était supposé être seulement dans un appartement qui allait être comme visité par plusieurs expositions. Et Sevilla est invité à commissarier finalement une exposition dans un lieu privé qui n'était pas le sien. Puis, en fait, l'idée c'était de grandir le cercle, encore une fois, puis de voir une manière de faire qui est autre que des réflexes, puis une manière de faire que j'aurais été pas porté naturellement, nécessairement. Ouais. Puis c'est ça, en fait, c'est ça. Ça nous amène justement d'autres horizons, puis une autre manière, d'autres regards sur les questions qu'on se pose, parce qu'il y a vraiment comme... Tout le monde voit ça un peu de leur propre façon, puis en fait, ça a été vraiment riche là, d'inviter Sevilla à participer à ça. Puis ce projet, en fait, d'appartement-là dont tu parles, moi, j'avais trouvé, en fait, en faisant des recherches, justement, pour l'entrevue, le projet, le récital des mandats, est-ce que c'est celui-là? Non, ça, c'est un autre projet, oui. Non, parce qu'en fait, ça, j'avais vu que c'était une idée qui avait pris forme autour de ce que vous nommiez comme, en fait, une collaboration, encore une fois, donc c'était avec l'artiste Laurence Gravel, puis c'est ça que ça avait pris forme, en fait, autour de ce que vous nommez comme la relation paradoxale puis interdépendante qu'entretiennent les artistes et les différents organismes de diffusion puis de financement. Puis on peut lire, en fait, que dans la description de l'événement, que vous étiez animé par le désir de revisiter puis de questionner les mandats de plusieurs centres d'artistes de la ville de Québec. Je voulais savoir comment est-ce que ces recherches-là ou ce que gravité autour de vous à ce moment-là a nourri peut-être le projet de la galerie qui t'offre pas 3 ans. Oui, en effet, c'est assez proche. Dans le cas du récital du mandat, le récital du mandat. c'est assez particulier parce qu'on a commencé l'exposition, on a terminé le montage une fois que la zone rouge foncé noire est rentrée. Là. Fait que ça s'est vite transformé en espèce de résidence relationnelle où ce qu'on invitait les différents membres des centres d'artistes de Québec et de Lévis à venir discuter de leur mandat avec lesquels on avait joué. Puis là, je tiens à dire jouer parce que c'est facile de rentrer dans des genres de critiques institutionnelles à deux scènes, mais je pense que c'est ça. On a essayé d'éviter ça. Puis, c'est clair que je m'intéresse beaucoup aux institutions, mais je m'intéresse beaucoup aux institutions en tant qu'organismes vivants, créatifs et imprévisibles, parce que ces institutions-là, aussi petites ou aussi grandes qu'elles sont composées d'êtres humains comme vous et moi. Puis je m'intéresse beaucoup justement à activer ces institutions-là. Puis pour une fois, en fait, je voulais essayer de générer ma propre institution, mais de manière justement informelle pour ne pas tomber dans les mêmes manières de faire qui sont comme répétées par plusieurs institutions. Mm-hmm. Je voulais essayer de repousser un peu certaines limites ou de juste d'expérimenter avec un matériel institutionnel qui est finalement la galerie que tu n'offras pas 3 ans, d'où le nom. Mm-hmm. Oui, vraiment de créer une proposition qui est parallèle à ce qui existe déjà. Oui. Puis, tu sais, il faut dire aussi que je ne me positionne pas vraiment en opposition avec les institutions parce que le Centre Ambassador, en fait, participe à subventionner une partie du projet. Tu sais, il y a vraiment, tu sais, je vois ça un peu comme un... s'intégrer dans le monde des institutions. Tu sais. Mm-hmm. Oui, il y a quelque chose dans ces initiatives-là, en fait, qui est de dynamiser qu'est-ce qui se passe dans la ville, puis justement, sans nécessairement être dans un refus de ce qui est présenté. C'est ça, ça s'inscrit en parallèle à ce qui est déjà là, là. Exact. Puis ce que je trouve le fun aussi, c'est que parce que c'est informel, parce que c'est dans des lieux qui coûtent pratiquement rien, tu sais, des appartements, des voitures, j'espère, en fait, que ça donne des idées aux gens, puis que ça fasse avancer une espèce de scène DIY à Québec, tu sais. Mm-hmm. Que ça soit justement moins hermétique au final. Oui, c'est ça. Mm-hmm. Puis il y a quelque chose aussi d'en travailler avec des lieux atypiques comme ça qui, en fait, qui réside dans les spécificités de ces espaces-là. Comment est-ce que ça nourrit vos réflexions? Parce qu'on s'entend que ça, on n'a pas accès aux mêmes ressources non plus. Puis justement, c'est pas la même capacité d'accueil, c'est pas les mêmes outils d'intervention. Comment est-ce que ça nourrit les réflexions? Tu veux dire comment est-ce que les lieux qui sont ton point? Ouais, comment ça change la façon dont vous travaillez ou dont vous pensez? Est-ce que tu remarques des éléments particuliers qui ont été formateurs du fait de travailler justement avec une voiture versus travailler avec un appartement? Oui, faut dire qu'à la base aussi les artistes que j'ai invités, c'est tous des artistes qui avaient une sensibilité contextuelle, tu sais, pour elles puis pour eux. Le contexte est super important, fait que tous les détails, que ça soit l'audience ou justement le lieu d'exposition, sont super importants puis viennent alimenter le projet, puis sinon comme le générer. Mais je pense que en fait, de quoi je me suis rendu compte, c'est que parce que c'est comme dans des lieux qui sont moins avec de la pression, moins de pression, les artistes ont commencé à expérimenter aussi, puis à avoir du fun, en fait. Il y a moins de pression, donc ils se permettent des petites blagues ici puis là, des Easter eggs, puis je sais pas, il y a comme un espèce de plaisir ou qui se ressent, je pense. Ouais, c'est un contexte qui appelle plus à la spontanéité aussi. Exact, ouais. Bien, merci beaucoup, Philippe Gagnon, de nous avoir rejoints en studio pour cette belle entrevue. Ça lance des belles pistes de réflexion, justement, pour le monde des arts visuels ça fait plaisir. À Québec, en espérant te recevoir peut-être à propos d'un autre projet, un de ces quatre. Donc, nous, on se laisse pour une pause audio avec la piste Flight of the Ancients. Et au retour, c'est déjà l'agenda de la semaine. Bienvenue à l'aérospatial. Myriam Leland, toujours au micro, avec Annie Charland-Thibaudeau, co-animatrice de feu. Donc, c'est déjà le moment pour notre agenda de la semaine. Donc, cette semaine, on commence tout d'abord avec une conférence midi. La Maison des métiers d'art de Québec reçoit Cone de Winter, ou de Winter, pour une conférence midi, justement. La conférence « Les liens entre les métiers d'art et le design » se tiendra le mercredi 20 octobre à midi, donc demain, sur Zoom. Et l'inscription est obligatoire, donc on vous invite à aller sur le site web de la MMAQ. Oui, et aussi ce jeudi, donc le 21 octobre, vous pouvez vous rendre à la Chambre blanche à compter de 17h pour la présentation de résidence de Julie Faubert. Et c'est la même chose de ce côté-là, là, c'est préférable de s'inscrire à l'avance, le tout est possible via la Chambre blanche. Il y a également l'exposition « Sédiments de la migration » de l'artiste René de Rouen qui va débuter samedi le 23 octobre à la galerie Michel Guimond. L'artiste sera présent à la galerie pour rencontrer les visiteurs le samedi 23 octobre justement et le dimanche 24 octobre le lendemain. Oui, et toujours le 21 octobre à 17h, la Galerie 3 lance l'exposition collective Grand Format qui regroupe des œuvres de Thierry Arcambossé, Annie Baillargeon, BGL, Julien Boily, Martin Bureau, Paris Martin, Jean-Pierre Morin, Andrea Mortune et Mathieu Valade. Le mardi 26 octobre à 14h, la Chambre blanche vous invite à une micro-conférence en ligne de l'artiste Karl Trahan qui abordera son travail récent et ses préoccupations actuelles. Donc, sur inscription également, vous pouvez visiter, bien sûr, le site de la Chambre blanche étant donné qu'il y a énormément de choses qui se passent cette semaine à la Chambre blanche. Et pour conclure, la galerie Espace Parenthèse relance sa programmation. C'est avec l'exposition Système joint objet masse, une exposition de l'artiste Anne-Marie Gros. Et c'est ouvert en fait depuis hier, depuis le 18 octobre, et l'artiste sera présente dans la galerie tous les jeudis de l'exposition, donc soit jusqu'au 12 novembre, et quand elle y sera, elle est présente en fait entre 16h et 20h45. C'est déjà ainsi que se termine cette édition de l'aérospatiale. Comme à chaque semaine, vous pouvez rattraper l'émission en balado-diffusion sur notre page web l'aérospatiale.ckrl.wordpress.com. Vous pouvez également nous suivre sur notre page Facebook et sur Instagram. On fait un grand merci à nos invités de ce soir. Oui. Donc, un grand merci à Laurence Belzile, à Philippe Gagnon, ainsi qu'à notre chroniqueuse de la semaine, Héloïse Foulon. Et enfin, on se laisse sur une dernière piste de l'album Flight of the Ancients du groupe de Shaolin Afronauts et on se dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Annie.